Je suis sur une autoroute. Je m'apprête à dépasser un motard. La vitesse était limitée à 110 km/h. C'est l'information fournie par ces panneaux de fin de limitation de vitesse. Si la vitesse avait été limitée à 90 à cet endroit, ces panneaux auraient été implantés à la place de ceux-ci. Mettre fin à une limitation de vitesse signifie que l'on peut adopter une allure supérieure à celle qui était prescrite. Dans la limite de 130 km/h, car on est sur l'autoroute. Réponse C.